Une blonde, une brune, une chinoise. Cette semaine, on a maté James Bond contre Dr. No et on en parle tout de suite. Alors, ma flatte, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Qui me fait plus perdre mon temps, bordel de merde? Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à James Bond 007 contre Dr. No. Dr. No, titre original de Terence Young. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Sarah. Bonsoir Antoine. Julie. Bonsoir. Michael. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et Greg. Ouais, bonsoir. Nous sommes tous réunis ce soir pour parler de James Bond 007 contre Dr. No. Dr. No. Film sorti en 1962 de 110 minutes avec Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman et Jack Lord. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je m'appelle Bond. James Bond. Mes instructions étaient formelles. Je devais partir pour la Jamaïque dans 2 heures. J'ai licence de tuer. Vous m'avez fait manquer ce coup. Vous ne manquez rien. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Je dois partir immédiatement. Alors que ça recommençait à devenir intéressant. Voilà, 110 minutes d'explosion, de non. Superbe musique, de voyage, d'enquête. Oui. Ça, c'est sûr, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Et je vais commencer par Greg. La première fois que j'ai essayé de le regarder, je me suis endormi au bout de 10 minutes. J'ai même pas vu la tronche de Dr. No. La deuxième fois, il arrive à la fin. Ouais, c'est vrai. La deuxième fois, j'étais coincé dans un avion. Je l'ai regardé. J'étais content parce que de toute façon, j'étais coincé dans un avion. J'avais rien d'autre à faire. Là, je l'ai re-regardé. Et tu peux pas trop dire que c'est pas bien parce que c'est quand même le premier James Bond. Moi, je suis pas méga fan de James Bond. Après, c'est marrant parce qu'il est vraiment daté. Après, c'est pas non plus dingo. Hein. Faut bien le dire. Hein. C'est un peu chiant, quoi. Michael. Bah moi déjà je suis allé à la bibliothèque hein. Alors... mon filet OSS 117 mais en drôle. Ah bah... je me suis vachement marré du coup. Alors là c'est très méchant. Alors là, je ne suis pas. Ah oui oui. Non, je dois confesser quand même que j'ai vu assez peu de James Bond, voire pas du tout, j'en ai vu un je crois. Et c'est celui-là. Non, j'en ai vu deux maintenant. Mais j'aime bien le côté vintage pour le coup du truc, je trouve ça assez cool. Après comme on dit chez moi, ça casse pas trop pote un canard hein. Bah à l'époque quand même. Ouais, je pourrais non mais les codes. Non, mais les codes sont non mais c'est rigolo mais bon, j'ai pas passé un moment exceptionnel non plus quoi. Sarah. Moi, j'avoue, j'étais très très concentrée sur Sean Connery plutôt que sur l'histoire. C'est-à-dire il est quand même très très très sexy. Ah, moi je le trouve pas si ouf que ça en fait. Moi enfin, je trouve que c'est... en fait, je sais pas s'il est vraiment beau. Il est moins beau que Bill Murray par exemple, Bill Murray est beaucoup plus beau. Attends, c'est une blague. Il avait pensé à Rowan Atkinson hein, pour jouer James Bond et finalement. Et Gérard Jugnot. Et Guy Carlier. Non mais je sais pas s'il est vraiment très beau, mais il y a une classe. Il y a une classe, il y a un charisme. Non, vraiment, vrai. Moi, je veux savoir. Pendant tout le film, ça m'a. J'ai kiffé. Je vais juste, pour une fois, faire une anecdote pendant nos goûts, puisque tu as beaucoup aimé Sean Connery, mais il faut savoir que l'accessoiriste avait réduit les objets de taille pour que Sean Connery paraisse plus grand dans ce film. Ah, c'est très drôle. C'est malin comme système. Mais je crois qu'il est vachement. Il est déjà grand, très grand et en plus là, si tu lui réduis ses objets, il paraît encore plus grand. Quoi. Alors Sean Connery qui est très très classe. Il est très grand. Ouais. D'ailleurs quand il se déplace en voiture, c'est une auto-tamponneuse. C'est pour mon ça me paraissait bizarre. A vu Sean Connery gamin dans une mail ici. Il y avait une avant-première James Bond. Il est venu à Dijon au Darcy. C'est vrai. Et mon père l'avait vu. Il m'a dit, il avait été subjugué. Il a dit, il était hyper grand, hyper massif, il a fait ce mec était incroyable. Non, honnêtement, il est hyper charismatique. Enfin, moi, je le trouve tout petit. Il y a rien à dire. Mais du coup, ça c'est sa vie d'avant, avant qu'il fasse de l'épée, quoi. C'est ça? Ah non, j'allais dire non, avant qu'il retourne à Alcatraz. Ouais. Exactement, c'est avant qu'il se fasse enfermer. Ah oui. Vous me demandez pas mon avis, mais moi non plus, tu n'as pas demandé mon avis. Hein. Julie, excuse-moi. Pardon, t'as pris la parole. Dans ma tête, j'ai cru que t'avais donné ton avis. Non, j'aime bien la Jamaïque, j'aime bien la musique jamaïcaine. Je trouve ça très sympathique. Aucun rapport, il y a pas de musique jamaïcaine. D'ailleurs, plein de musique. D'ailleurs, Bob Marley est passé à Dijon aussi. Un concert à Dijon. C'est vrai qu'il y a plein de musique à tous les massifs. J'ai passé un moment assez sympathique. Tobago. Oui, oui, et ben on va pas rentrer dans le... Non, mais tu as vu ce que je... Tu as compris ce que je voulais dire, Greg. Et je trouve ça très sympa, et voilà, ça, c'est sympa. Moi, je l'avais vu il y a très longtemps, je l'ai revu, j'ai trouvé ça bien, moi j'aime bien les James Bond. Et là, c'est marrant, je trouve que c'est pas trop encore un James Bond, il a pas de gadget, il a pas d'Aston Martin, il a pas encore vachement du monde. C'est vrai qu'en Twingo, c'est quand même moi la classe. Bah, c'est le premier. Ah, mais, c'est une GPL, pourtant... là, quand même. Mais pourtant, t'as des trucs t'as des trucs qui annoncent un peu tous les James Bond qui vont venir. C'est-à-dire que... C'est le premier. Voilà, c'est ça. Il claque des doigts, il se passe ce qu'il faut. Non, mais... il claque des doigts, il fait la chose. Il claque des doigts. Et il y avait une expression à l'époque, il claque des doigts et la chose se fait. Non, mais ce qui est vrai, c'est que c'est plus, voilà, c'est limite un détective, un enquêteur à la Hercule Poirot. Il y a un truc vachement enquête. Alors, l'enquête est pourrie, mais il y a quand même une enquête. Mais ça, je crois que c'est parce que c'est le premier. Excuse-moi, mais l'enquête, elle est mieux que la différence des 7 couleurs entre les trucs du diable. Bon. Ah oui, une petite précision, j'ai rien compris à ce film. Les usures de bombes, là. Oui. Je suis complètement passé à côté. Ah bah résume l'histoire. Bah, pas moi, du coup. Sarah. Si, je veux bien, résumer vite, parce que globalement, moi, tous les James Bond que j'ai vus, j'ai jamais trop compris l'histoire. Enfin, vraiment. C'est un agent secret. C'est donc ça. Qui a le permis de tuer. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire? Donc, James Bond, qui est un agent 007. Give me the chance, give me the chance. Attends, je vais vachement bien le faire. Attends deux minutes. T'as Mickaël en backup au cas où. Donc, James Bond 007, qui est un agent secret au service de Sa Majesté en Grande-Bretagne. Ça, c'est le titre. Hein. est envoyé donc, en Jamaïque. Car un agent secret britannique a disparu. Donc, il est envoyé là-bas. Il va enquêter sur sa disparition. Et l'agent secret qui a disparu a été envoyé là-bas parce qu'il y a des fusées qui doivent partir du Cap Canaveral. Et il y a eu des brouilles autour de ça. Et donc, on pense que sa disparition est liée à ça. Alors, je viens de voir qu'on a perdu 7000 auditeurs. J'ai les chiffres. Vas-y, continue. Du coup, on est à moins 6000. Non, mais... Bah c'est tout, et il y va et il enquête. C'est déjà bien, Sarah. Et merci. C'est déjà beaucoup. Pas mal. Bravo, mais... Sarah. Bravo. Bravo, merci, Sarah. Et c'était pas facile. Je suis là pour ça. Le film s'ouvre sur un générique psychédélique. Non, le générique est très cool. Il est trop cool. Très cool. Le générique. Très long. Et je pense qu'il a inspiré une pub iPod quand même. Parce qu'à un moment, tu leur rajoutes les petits écouteurs blancs qui dansent et c'est exactement la pub iPod. Les silhouette, écouteurs quoi. Qui dansent. Enfin, en même temps, le générique de James Bond, il y en a eu, enfin celui-là, et enfin à chaque fois, ça a duré 40 ans, ça, et c'est tout le temps les mêmes quoi. Mais, ça, mais là, c'est le premier. C'est le premier, ouais. Ah, c'est le premier, bah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que 40 ans après, le truc iPod, il a eu 40 ans pour s'en inspirer quoi, donc c'est pas non plus. Ok, merci. Alors, le film s'ouvre sur un assassinat. Avec trois aveugles. Voilà, ils sont sur trois aveugles qui marchent, aveugles. Qui font la queue leu-leu, on peut le dire. On peut dire qu'ils sont doués aussi. Hein. Et alors, oui, les mecs, pas trois aveugles, les mecs vraiment fous, vont back-upper leur crime. Ça, j'ai compris. C'est vraiment le déguisement le moins discret du monde. Trois aveugles, le truc trop flat. Et surtout, les deux autres derrière, ils suivent celui de devant, mais il est aveugle aussi. C'est complètement con. Non, et surtout, les mecs, pour vraiment être méga pas flag, ils décident de se mettre dans leur déguisement d'aveugle de l'autre côté de la ville, histoire de traverser toute la ville pour bien qu'on repère les trois aveugles qui vont aller tuer le Manos. Ça attire moins les soupçons. Tu voulais dire, Mickaël. Oui, et puis surtout, ils auraient pu se faire cramer au moment où ils voient la pancarte et qu'ils se dirigent dans la direction de la pancarte, alors qu'ils ont sans savoir ce qui est écrit dessus, quoi. Oui, alors après, ça, c'est du détail. C'est vrai qu'on vient rarement sur les détails. Si on part comme ça dans James Bond, on va pas aller bien loin. Et alors ensuite. Non, puis ils n'arrêtent pas de prendre des photos. Enfin, c'est quand même bizarre, c'est quand même mal joué. Donc ensuite, ils picolent. Alors... Ah non, pas tout de suite. Ah si. Tout de suite. Alors, ce qui va se passer, c'est que il y a un Manos colon anglais en Jamaïque qui va se faire tuer, un agent secret, colonel, je ne sais pas quoi. C'est exactement ce que j'ai dit dans le résumé. On va introduire James Bond dans un casino avec une des scènes que je trouve les plus classes du monde. Où en gros le mec il joue aux cartes un jeu qui s'appelle le chemin de fer. Alors ça c'est pareil, je peux faire un point casino dans les films. À chaque fois il joue à un putain de jeu, tu connais pas les règles. C'est sûr qu'il joue pas, tu connais poker, blackjack. Eux à chaque fois ils jouent au craps, au machin. Impossible. Et tu ne comprendras jamais les règles, je pense. Dans un autre James Bond, je crois qu'il fait un rapido dans un PMU. Oh, je vais reprendre un petit blanc là. Il fait un yatsé. Putain, j'ai gagné 12 euros. Tu me remets à banco. J'ai le chiffre bonus. 12 euros à l'amigo. Et alors, tu mettras un go là. Avec la monnaie, tu me mets des banco. Et là, ce qui est trop marrant, c'est que donc là, évidemment, le gars il joue au casino. Alors c'est James Bond, donc c'est la full win, c'est-à-dire que le gars il joue, il gagne. Non, c'est pas juste, il joue, il gagne, et il chope la meuf, et il se fait pote avec le serveur, et après il va bouffer le lendemain chez le directeur du casino, quoi, tu vois. Et en fait, le gars, il joue, il y a une nana qui joue contre lui, elle le connaît pas, et elle fait genre, elle joue, bam, évidemment, elle perd contre lui, et là, elle fait, ça vous dérange si on augmente les plafonds? Non, pas du tout. Bing, il la redémonte. Ouais. Et après ça, elle fait, ça vous dit, on augmente encore? Et là, il fait, non, désolé, je dois y aller. Genre, le mec, il lui pète le maxivant, et cette scène est quand même incroyable. Et même en VF, elle a beaucoup de punch. Et j'admire votre chance, monsieur Bond. James Bond. Monsieur Bond, je suppose que vous serez d'accord si je dépasse la limite. Aucune objection. Impossible, madame, ce n'est pas légal. Alors. C'est suivi, monsieur. Vous êtes décidé à aller jusqu'au bout? C'est une idée comme une autre. 8. 8 à la ponte. 9. 9 à la banque. Excusez-moi, monsieur. Merci. André, il va falloir que je parte. Changère, vous me pardonnerez, j'espère, mais le devoir m'appelle. Merci. Employé. Merci, monsieur. Voulez-vous me changer ça? Dommage que vous nous quittiez. Alors que ça commençait à devenir passionnant. Oui. Dites-moi, Miss Strange, vous pratiquez d'autres sports? Je veux dire, à part le chemin de fer. Le golf. Je le pratique, entre autres choses. Demain, après déjeuner? Demain. Et nous pourrions peut-être dîner ensemble? Je ne dirais pas non. Pourrais-je vous téléphoner demain? Bonne idée. Mon numéro est sur la carte. Merci, monsieur. Moi, ce qui me surprend dans cet extrait, c'est qu'un mec qui considère que jouer au casino c'est du sport, en général, il y a de la benelle, hein. C'est pas cette connerie, quoi. C'est quand même la drague la plus rapide de l'univers. Le mec, il joue aux cartes 2 secondes et elle fait : tu joues à d'autres sports ? Ouais, je fais du golf. Bah, demain après-midi et après, on va dîner. Ok. Bah, wow. Mais dans tous les James Bond, il... j'arrive pas à dire ce mot. Dans tous les 007, il chope plein de meufs, mais ouais. Là, c'est vrai que c'est bien plus rapide que dans les autres. Là, quoi. C'est vachement rapide. Ouais. Ouais. Et... c'est une scène. Il y a un film où il se prend un râteau ou pas ? Non. J'en ai pas vu beaucoup, ouais, c'est ça, hein, je crois pas. C'est une scène qui est quand même pleine de sous-textes parce que si vous reprenez chaque réplique. Calme-toi, Julie, parce que je te vois venir. Hein. Non, mais on va parler de la chose. Est-ce que vous êtes prêt à dépasser les limites, etc., aller jusqu'au bout des choses, etc. Non. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors... c'est du casino. Ils jouent aux cartes, bordel. Du sport. Et après, ils vont faire du golf. Il a dit golf. Oui, mais ils vont surtout jouer au 19e trou, je pense. Allez, on arrête. Allez, on arrête. Allez, c'est les commentaires. Oh non, mais non, Julie, putain, 10 minutes de podcast et c'est déjà commence. Mais non. Bon, alors, elle joue très bien au craps ou au chemin de fer et il veut faire une partie de golf. Alors après, James Bond, lui, évidemment, il part du casino pour aller voir son boss. Ça tombe bien, c'est le casino, il a l'air d'être à Monte Carlo et son truc c'est à Londres. Non, bah oui, son truc c'est à Londres. Donc c'est à dire que même quand, tu vois, on pourrait croire que quand il joue au casino, c'est genre il est en vacances et tout non, ou en mission quoi. pour aller sur des pistes. Non, lui même, c'est à dire même quand il a du temps libre, il va au casino de Londres. C'est un vieil accro au jeu, tu sais, il est même pas en mission. Ah oui, j'avais pas capté ça. Il est trop pas en mission. Mais non, il non. Est juste genre, je me fais trop chier. Je vais aller claquer mes ronds. Qui a essayé de choper des meufs, quoi. À la base, il jouait tout seul à la machine à sous. Et alors là, il va faire un truc que je trouve assez cool. C'est la première rencontre avec Moneypenny. Donc là, on explique, c'est la secrétaire de son chef. C'est pas la secrétaire de la 9e porte entre nous. Elle est un peu plus sexy. Hein. Et Moneypenny... surtout, mais il va lui lécher l'oreille, quoi. Alors moi, en gros, il arrive, mais genre, il va la soulever, mais en mode super vénère. Moi, je fais putain, mais si je fais ça avec Monique de la Conta, je vais en prison, quoi. Genre, tu sais, je viens pour mes notes de frais. Bing, main au cul, alors Monique. Et genre je lui embrasse le cou et je lui dis dans l'oreille, t'as fait mes notes de frais. Non mais c'est à dire que mec, tu vas en taule mais cash quoi. Et là elle est là genre, oh, James sacré filou quoi. Mais lui il chauffe. C'est toujours la question de qui le fait en fait. Hein, c'était ça les années 60, les mecs savaient vivre ouais, quand même. Niveau pas essayé, pas voilà. Au cul, c'est bon. Ça va. Non mais vous adorez ça, faites pas semblant. Il chauffe tout le monde sans aucun scrupule. C'est à dire que tu vois, il pourrait se dire, non j'ai peut-être pas trop en faire parce que je pense qu'elle est amoureuse de moi. Mais il sait qu'elle est amoureuse de lui et tu sais, il va encore plus accentuer le truc. Tu vois, le mec en joue à mort, sachant qu'il va jamais rien se passer. Sauf les soirées de casino tout seul. Bon, vas-y, j'aime t'as fait Monique. Moi, y'a que Monique. Monique Penny. Ceci dit, s'il ressemblait à Christian Clavier, peut-être que ça marcherait moins. Hein. Là, il aura un procès au cul, à mon avis. Il est BG, Clavier, non? Hein? Il est BG, Clavier, non? Ouais, mais alors, attendez, un peu descendre. Tu fais quoi, Jean? James Bond de son piédestal. Là. Vous savez qu'après, il va porter quand même une perruque dans tous les James Bond. C'est le seul James Bond où il porte pas de perruque. Ouais, puisqu'il a moins de 40 ans. C'est vrai que je trouvais ça bizarre qu'il ait les cheveux c'est jaunes. C'est horrible. Voilà. Mais pourquoi tu casses un sexe symbole comme mais ça, Julie? Voilà. Non, je sais pas. C'était les anecdotes, quoi. Et puis il y avait des lunettes avec sa perruque. Et puis il faut son moustache. Et donc, du coup, après, donc, il reçoit sa mission, là. Vas-y, Julie. Il reçoit sa mission et son nouveau pistolet parce qu'on lui dit le Beretta, c'est terminé. Maintenant, on t'offre une autre arme. Et c'est puis, un quoi, un Smith & Wesson? Ça doit être ça. Non, oui. C'est un PP7. Et avant, il avait un Beretta. Et lance-pierre. Mais il est pas trop d'accord. Hein. Continuez sans nous. Et il rentre chez lui du coup. Halbarde. Et il retrouve donc, elle s'appelle. Fonde. Elle s'appelle. Il revient chez lui et là il y a une scène tout à fait normale qui nous arrive à tous. Il rentre dans la chambre d'hôtel du casino parce que le mec, oui. On se voit chez lui et puis on se voit au casino en plus ces soirées de jeu. Ça, genre le gars il dort même pas chez lui. Ouais, je vais aller faire du chemin de fer bien rebou. Et là, ouais, l'idée c'est que je dorme au casino. Et là je me suis fait une réflexion, je me suis dit cette femme a vraiment les sourcils de Jack Nicholson. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Elle a des sourcils genre immenses et elle fait des grands jeux de sourcils. C'est j'étais très sans doute concentré sur le Joker. Un autre détail. Alors on n'a pas expliqué, mais en fait ils avaient dit ouais, on fera du golf demain et lui il rentre dans sa pioule et la nana elle est dans sa chambre en train de faire un mini golf à poil. Alors à poil. déjà il y a alerte dingo quand tu fais ça, genre mais meuf d'où t'as eu les clés et pourquoi tu fais un mini golf, t'es surtout, taré, tu te balades toujours avec tes clubs de golf et tes balles quoi. Ah oui, c'est clair. Oh yes, ça va trop l'exciter, je vais faire un mini golf dans sa chambre avec sa pilote. Toi tu ouvres et tu fais ah elle est dingo. Ça ou un squash là, avec tout qui est cassé dans la baraque. Alors là l'idée c'est d'aller faire sa mission en Jamaïque et là il atterrit à l'aéroport. T'as pas dit qu'il l'avait tronché avant de partir, excusez-moi. Oh, elle s'appelle Mademoiselle Trench. Mais dis donc. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Moi, je veux juste revenir sur un petit détail. Quand il va voir la secrétaire, dans la scène de la secrétaire, il rentre, il ouvre la porte et il lance son chapeau et évidemment, ça tombe sur le porte-manteau. Tu fais ça, tu loupes, t'as l'air d'un con quoi. Mais toi, tu fais ça, c'est encore pire. Ça fait une sorte d'attrape-souris. C'est-à-dire que le chapeau fait tomber le truc, fait tomber le machin, tomber l'écran et big. Non, mais s'il le fait à ce moment-là, c'est parce qu'il sait que c'est Monique. Il dit ouais, si je le foire, m'en fous, elle est quand même amoureuse de moi quoi. Tu vois. Au moins il attend, il s'entraîne. C'est limite, il foire et elle, Monique fait ah, vous êtes trop drôle. Elle lui fait ah, quel mouton. J'ai fait exprès. Et donc il arrive en Jamaïque. Il arrive à l'aéroport où tout le monde est chelou quoi. Limite, oui. T'as des mecs avec des journaux avec des trous dedans. Il y a que des espions à l'aéroport. Il y a une meuf qui le prend en photo. Il y a un gars trop chelou en filature avec des lunettes de soleil. Des lunettes de femme d'ailleurs. Et y a très bizarre cette paire de lunettes de soleil. Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mm-hmm. Et il y a un mec qui lui dit bonjour, je suis votre chauffeur, j'ai été envoyé par le gouverneur. Et là, tu sens que James Bond, quand même, il est malin. Il est malin, il va appeler au téléphone. Exactement. En disant « Est-ce que c'est mon chauffeur ?» Et l'autre, ils font « Bah non ». Et le chauffeur, lui, il se dit pas « Ah bah c'est chelou, au bout d'un moment que je lui ai dit que j'étais son chauffeur, il est parti téléphoner à un gars que je connais pas. » Et ensuite, il est revenu en étant super mystérieux, en montant dans la bagnole, en coopérant à mort. Bah, et bien sûr, qui sait. Et donc là, il y a une superbe course-poursuite sur une seule route. Donc, ça va toujours tout droit. Et voilà. Enfin, non, mais c'est vachement dur c'est de vrai, rester c'est tout vachement... droit. Crois-moi. Moi, j'ai raté le permis à cause d'une marche arrière. Alors là, marche avant, mais c'est alors, ça, c'est vraiment une mission de merde. C'est-à-dire que l'autre, il doit faire semblant de se faire poursuivre pour obéir aux ordres de James Bond. Non, mais non, parce qu'après, on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas de mèche, les deux. Celui avec les lunettes de femme. Ouais, c'est vrai. C'est... Ouais, celui bon, qui peu importe. En tout cas, l'autre, il se planque. Et mission de merde, il se fait griller directement. Et James Bond, il lui fout deux patates. Il lui pète le poignet, attends. Ouais, bon, bref. Et l'autre, il se suicide direct. C'est-à-dire que c'est vraiment la mission degré zéro. T'es censé tuer le gars, il se fait péter la gueule et il se dit bon vas-y c'est bon je rentre chez moi. Et non mais genre tu sais il est payé 500 dollars par mois, mais il va se suicider aussi. Parce que là il y a une vraie différence entre les mecs qui ont reçu le training du MI5, qui tu sais qui possèdent des énormes informations, et si jamais faut qu'ils se suicident à la capture au cyanure, ils le font, sinon c'est la torture à vie. Mais lui c'est rien. Là on parle juste d'un chauffeur Manos, et le gars va se suicider en mode ouais, vas-y, va me casser la gueule, il vaut mieux que je me tue, quoi, parce que j'ai besoin, il a jamais le non mais qui a été sous-embauché 4000 fois, quoi, tu vois. En plus c'est sûr que c'est de la sous-traitance, bah, il a jamais rencontré Docteur No. C'est l'intérim, c'est marrant. Je me suis renseigné. Et du coup comment il se suicide? En avalant une Marlboro. Bah, si il avait sûrement acheté à Barbès, à mon avis. Celle de Barbès, tu les fumes, de toute façon, tu meurs en 2 ans. Là, si tu les manges, c'est dans la minute. Moi, j'ai noté attention, fumez-tu. Si on pouvait faire passer ça à nos auditeurs. Passer ce message-là. Voilà. Et alors, James Bond, le soir tranquille, il va aller se faire un. Oui. Ouais, bah, c'est le début des vacances de James Bond. Ah ouais, là, c'est. C'est-à-dire que moi, j'ai mis, il va à la paillotte. Mais il va à la paillotte, mais moi, j'ai surtout, j'ai l'impression qu'il est en all inclusive parce que il arrête pas de picoler des cocktails. Il doit se dire, oh, c'est bon, c'est gratos, bam, cocktail. Il est full money, il est jamais rebou. C'est là où n'importe qui va boire et va être débranlé. Lui, il est 100%, tu vois. Ce qui montre qu'il doit être sans doute très alcoolo. Parce qu'il... Ah ouais, parce qu'il y a Johnny Depp dans la même porte, dis-nous. Ah ouais, c'est les mêmes, ouais. Et donc là, il va commencer son enquête en allant chez l'agent secret britannique qui a disparu. En picolant, hein, de toute façon, il commence son enquête. Mais... Et puis surtout, ce qui est vachement bien, c'est que l'enquête, il arrive dans l'appartement, il passe en tout et pour tout 30 secondes dans l'appartement, et coup de bol, il trouve tout ce qu'il faut trouver. Ah, c'est bah, un bon, hein. Mec, c'est James Bond, hein. Pardon, non, mais c'est moi, c'est moi. Là, il trouve tout ce qu'il faut trouver, et il a passé plus de temps à servir un verre qu'à chercher. Hein. C'est ça qu'il faut, ouais, parce qu'il a aussi tapé dans le brandy du cadavre aussi, là. Il avait du brandy, hop. Et donc, dans son appartement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire, enfin, il fait une espèce de maman, j'ai raté l'avion en soft. Moi, je me suis dit, il y a un enfant qui manque de tuer des ouais, jobards. Par contre, le goudron dans la chambre d'hôtel. L'agent secret super dangereux. Finalement, il met genre un pauvre cheveu sur la porte et de la poudre sur sa valise, quoi. Genre, bah, c'est quand même pas mal. Pour non, le des... premier James Bond, c'est pas mal quand même. Non, mais moi, ouais. J'ai une question. Est-ce que vraiment, si tu mouilles un peu un cheveu et que tu mets comme ça sur une porte, il tient tout le temps? Non. Il met de la grease. La gomina. Bon, attendez, vos tutos make-up, vous les ferez après. Hein, on n'a pas le temps, on avance. Non, mais c'est vrai, désolé. Alors, il va à la paillotte. Là, il mène l'enquête en picolant avec ses nouveaux potes. Ouais, il est mal reçu quand même. Hein. Pendant ce temps, on voit le méchant, parce qu'il y a un traître parmi les gentils en Jamaïque, qui va voir le docteur No. Sur son île. Alors ça, le Docteur No, nous, on le voit toujours pas. Et pour voir Docteur No, faut rentrer dans une salle avec un style rétro-moderne, new design. Ça, c'est un peu cool. Alors, c'est-à-dire que le mec, sur sa putain de base secrète, il fait « Bon, je vais quand même faire des salles d'interrogatoire méga stylées. » Avec des œuvres d'art et tout, il y a une installation trop chelou au milieu. Et il va lui donner une araignée dans une cage. Alors là, va falloir vraiment m'expliquer cette histoire de l'araignée. Hein, parce qu'à un moment donné, quelle est la finalité, quoi? Je comprends pas. Bah, c'est le tuer. Il va se faire piquer. Alors moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que... Attends, mais dis pas que t'as pas compris. Si t'as pas compris ça, tu t'es rattrapable. Ça tue vraiment une migale? Ça dépend laquelle, la veuve nord. Une tarentule déjà. Faire la différence. Ah, déjà en Jamaïque, franchement, je pense que tu tombes sur des trucs, t'as pas trop envie de t'y frotter, quoi. Enfin... Moi, ce qui m'a fait marrer quand même dans cette scène-là, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver dans Secret Story. Bonjour, je suis la voix. Tu as mal fait ton travail. J'avoue, il y a un côté confessionnel. Je me suis vraiment marié, je me suis dit quand même, Secret Story, ils ont des vraies références et il ne faut pas l'oublier. Ah, ceci dit, moi je trouve que c'est tout pompé sur Fantomas. Ta mission est de prendre une migale et de tuer James Bond. Et alors, du coup, le soir même, James Bond il rentre dans sa piole, après sans doute un bon zapoy qu'on n'a pas vu, mais le mec non, il s'est chargé, ouais. S'envoyer les ponches coco toute la soirée. Il n'a pas hésité à bien charger. Il rentre bien des branles dans sa piole, il voit qu'on a tout fouillé parce que le cheveu a disparu, la poudre sur sa mallette s'est envolée. Petit détail intéressant, c'est que justement la poudre sur la mallette s'est envolée, mais de toute façon la mallette n'était pas à l'endroit où il l'avait laissée. En fait. Elle était sur la gauche de le buffet alors qu'il l'a mis sur la droite. Quoi. En plus, elle était grande ouverte avec tous les dossiers éparpillés. Il avait laissé un petit post-it dessus. Il mettait la puce à l'oreille quand même. Et le placard était cassé en deux. Et le mec avait oublié de remettre ses chaussures en partant. Alors. Et le mec était encore dans la pièce. En gros, là, il va vivre une mauvaise nuit à base de clim éteinte et la tarentule qui va l'attaquer dans la nuit. Ça fait peur quand même. Ouais, il faut savoir que Sean Connery, c'est ça. Il est terrifié par les araignées. Donc pour tourner cette scène, au début, ils lui ont mis une espèce de protection, qui se voyait beaucoup. Donc il a été doublé finalement. Ça a été retourné par Bob Simmons, et même Bob Simmons a dit que c'était genre la cascade entre guillemets, parce qu'on peut considérer ça comme une cascade, la pire. Pourquoi une cascade carrière. Il est allongé. Ouais, t'as une énorme tarentule. C'est bon, attends, c'est James Bond, ouais, ça va. Alors... qu'à un moment, je me suis même demandé, putain, c'est un animatronics, quoi. Enfin, personne ne se laisserait, genre en mode, vas-y, bah tiens, monte-moi sur le bras, tringue. Moi, cette scène était assez sensuelle. Hein. Je voulais le dire. C'est quand même chelou. Ça fait rien. Toi, t'es pas dingo. T'es vraiment. T'es le stade au-dessus. Elle est d'autant plus sensuelle que le nom de la tarentule, c'est Rosie. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais non, mais ça fait rien, une tarentule. Une tarentule qui c'est horrible. Moi, je hurle. J'ai une araignée sur moi. C'est un bonhomme. C'est James Bond, il s'en fout. Qu'une femme. Alors là, il va. C'est sûr qu'ils avaient envoyé un chaton, ça aurait peut-être eu moins d'effet pour le coup. Ouais, parce que de base, ça tue pas. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, je vais rentrer en Angleterre. Ceci dit, c'est vraiment un plan machiavélique. C'est-à-dire que Dr. No, il lui file une araignée, tu vois. C'est genre. Tu prends une araignée, tu vas la foutre dans la piole et puis on va prier pour que ça tue James Bond, parce que l'araignée tu la fous dans la piole, il y a rien qui dit qu'elle va aller sur James Bond. Il y a rien, qui dit qu'il va la piquer. D'ailleurs, elle monte sur lui, elle la pique pas. Et en plus, tu vois, au moins t'aurais pu, je sais pas, enfiler 15 au moins pour avoir plus de chance, quoi. Et là, c'est pareil, on en a qu'une, mais bon. Ah, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il pourrait très bien se dire, parce qu'en fait, ils veulent le tuer ou l'intimider, et du coup, il se dit, mais en fait, cette araignée elle est peut-être juste rentrée sans le concours de personne, finalement. Sauf qu'après, il reparle des araignées. Derrière James Bond, il allait mettre une très mauvaise note sur booking.com à l'hôtel. il y avait des grosses araignées dans la chambre. La il n'y avait pas de moustiquaire. TripAdvisor 007.uk. Non, et là, j'ai envie de dire qu'on allait un peu vite, parce qu'on a oublié un petit moment du film, quand même, où James Bond enquête. De temps en temps. Oui, entre parfois, deux verres de brandy. Entre deux verres de femmes. Et il a compris qu'il y avait un mec qui est un professeur, un spécialiste en géologie, en pierre. Et il a compris qu'il lui mentait un peu, que celui qui a disparu lui avait ramené des pierres qui étaient apparemment radioactives et que l'autre lui a complètement menti. Et là, donc, il a un peu un date avec sa secrétaire. C'est bon, il n'y a plus que nous maintenant. Ça, on est tranquille, tu peux dire tout ce que tu veux. Fini, hein, fini de la phrase maintenant. C'est horrible. Non, plaisante. On plaisante, mais j'ai rien compris. si, moi, je vois très bien. Non, mais allez-y. Mais faut rebondir maintenant. Allez-y, monsieur Antoine. Alors ensuite, il va un peu débriefer avec son chef local, tout en picolant du brandy, évidemment. De la vodka surtout. Et là, il y a une petite chinoise qui écoute à la porte. Alors vous allez me dire, ah, elle est jamaïcaine, asiatique. Je m'en fous, elle est chinoise. Et là, il va la cramer. Il va vraiment la cramer de visu. Et au lieu de dire, c'est une traître, il va plutôt lui proposer un rencard. C'est beaucoup plus classe parce qu'il se dit qu'il pourrait peut-être faire la chose avant de la rendre aux autorités. Et du coup, il lui fait, ouais, bah, ce soir, écoute, je suis disponible. Donc elle, évidemment, elle se donne à lui. Hein. C'est évidemment James Bond. Et là, il va l'appeler au téléphone pour lui proposer un petit rencard et elle va lui donner les indications pour aller chez elle. Et croyez-moi, c'est un peu compliqué. Allô ? Ah, monsieur Bond. J'ai bien réfléchi. Pourquoi ne viendriez-vous pas à mon appartement ? C'est un coin ravissant dans la montagne, isolé, frais. Vous êtes d'accord ? Vous laissez Port Royal Road en sortant de Kingston. Vous suivez Wentworth Road jusqu'à ce que vous rencontriez une cimenterie à votre gauche. Là, vous tournez à gauche. Vous suivez la route sur la colline. Vous descendez l'autre versant. À environ 3 km plus loin, sur votre gauche toujours, Magenta Drive 2171. Je vous attendrai. J'aurais reconnu la voix de ma sorcière bien-aimée c'est vrai qui indiquait les indications quand même les plus compliquées du monde. Le mec note rien. T'sais, en fait, il est au téléphone, il a un verre de brandy allemand, il fait à gauche. Ouais, après la rapide, on va le mec. Il était déjà équipé d'un GPS pour le coup. C'est ce que j'allais dire, il l'a enregistré et en fait, il l'a mis dans sa voiture, c'est le premier GPS. En vrai, le mec, il arrive dans sa caisse, il est tout bourré, il fait putain, elle m'a dit quoi, la raffinerie à gauche. Ce qu'il faut dire, c'est aux auditeurs, justement, là, on entend la musique, c'est une séquence où il se paume complètement. Il passe devant la Tour Eiffel. Complètement paumé, quoi. Mais d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, mais vous trouvez pas que la musique elle est trop bien par rapport au film en fait? Parce que c'est vraiment la musique de James Bond qui a pas changé pendant 40 ans et les films ont beaucoup changé. C'est le premier, il me semble. Non, mais la musique n'a pas changé alors que les films pendant toutes ces années ont vraiment beaucoup changé. Alors la musique dure, je crois, en cumulé 2 minutes 20 et il y a que cette musique dans le film avec. Un peu des musiques là-bas. Des musiques Calypso. Tout à fait. Un petit peu. Underneath the mango tree. Behind me, watching for Rastafari. Dédicace à tous les massifs. Big up. Et il y a ça, il y a tous les massifs. Rastafari, Babylone. Alors, petite poursuite en voiture, effectivement, qui va se solder par une explosion. Oui. Puisque les manos derrière, évidemment, ne savent pas conduire. Bing, dans le ravin, explosion. Et là, il y a un mec qui travaillait sur la route. Il voit la voiture tomber, exploser. Il regarde, il est genre... waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, il y a vraiment que des massifs en Jamaïque. Le mec qui fait pas putain, il y a peut-être des morts, faut que j'appelle les autorités. Ah bah, il y a certainement fait... des morts, oui. Ouais, putain, oh là là, elle a explosé la bagnole. Il en a rien à foutre. Ah, mais vous êtes encore bien d'ailleurs. Il a le smile pendant toutes les courses poursuites. Il est trop James, smile. Il a trop genre... smile. Il est là comme ça. Il accroche le vent et il fait. Il est là genre yes, j'aime trop conduire. Faut savoir qu'il est tout le temps en décapotable. D'ailleurs, heureusement qu'il portait pas sa perruque sur cette épisode-là parce que ça serait envolé. Et alors là, il va arriver chez la chinoise. Chez la secrétaire. D'ailleurs, elle a une robe peignoir. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, c'est très bizarre. C'est très étrange. Elle a une robe peignoir. Ça s'appelle un kimono. Non, elle a vraiment une robe. Peignoir en éponge, quoi. Ouais, donc il arrive chez elle, et ce qui est marrant, c'est que il sait que c'est. Il devine que c'est évidemment elle, qu'elle est complice et qu'elle a essayé de le tuer. Et lui, son premier move, en méga confiance, c'est-à-dire que plutôt que de dire je vais pas me jeter dans la gueule du loup, il arrive et puis il l'embrasse, quoi, tu vois. C'est-à-dire, c'est James Bond. Il va la baiser. Oh alors, c'est autre chose. Je vais arrêter. Ah, moi aussi, j'arrête. Hein, moi, j'ai abandonné. De toute façon, c'est comme l'autre, la pyramide, on a abandonné l'éducation au bout d'un moment. C'est surtout ce qui est génial, c'est qu'il arrive, donc elle est un peu surprise parce qu'il est censé être mort, la course poursuite, blablabla. Et là, elle se dit merde, il est là, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu déstabilisée. Moi, je vais quand même coucher avec lui. Dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, elle appelle son chef juste devant lui. Et genre, elle chuchote un peu. Ouais, en fait, il est là, je fais quoi et tout. Et le mec est à 2 mètres d'elle. Surtout, bizarre, le chef au téléphone, il lui dit bah, fais la chose. Qu'est-ce que je te dise? Il est là. You do the thing. What should I do? You better do the thing. Il dit retiens-le. Une ou deux heures, je mets des guillemets, mais vous ne les voyez pas. Bah, une ou deux heures, c'est largement suffisant pour faire la chose plusieurs fois. Après, alors, il la met dans un taxi, il s'en débarrasse. Il la rend aux autorités et là, il va faire un truc qui est hyper cool. Il va donc. Ouais, alors, vrai. J'allais dire, il fait un faux lui dans le lit, quoi. Enfin, il met une espèce de cible. Et traverse, hein. Et il va faire des réussites. Moi, je me suis dit, ça serait tellement génial d'avoir un épisode sur James Bond qui fait que des réussites pendant une heure et demie. Non, mais attendez, ça, c'est quand même hyper intéressant. Le coup du, tu sais, le fameux mec qui t'attend dans le noir avec un flingue au moment où t'arrives. Mais à chaque fois, on oublie que le gars, il a sans doute passé 8 heures dans le noir à faire. Putain, je me fais chier. Et c'est quand même cool de s'endormir à ce moment-là. Il y a quand même une chance sur deux. Quand t'arrives dans le truc et le mec est censé te surprendre, t'entends. Et le mec, dans un. Mec, t'es dans le noir à rien foutre. Et là, James Bond, trop smart, il fait ah, bah, je vais me faire un solitaire. Ouais. Mais ce qui est d'abord, ce qu'il a fait, c'est servir deux verres de vodka. C'est ça. Mais un qu'il a disposé de chaque côté de la table, forcément. Et il a pris le reste de la bouteille avec lui pour aller faire un solitaire bien débranle. C'est une mise en scène, Greg, pour que l'autre croit que c'était un beau romantique. Pas moi, j'ai trouvé ça super réaliste. Donc là, il va tuer le Manos qui arrive, blablabla. Et bah, il le décide... professeur de tout à l'heure, enfin, on m'a complètement coupé, mais personne n'a rien compris à ce film parce qu'on m'a pas laissé expliquer. Alors, Sarah, c'est le moment. Non, mais. De toute façon, il n'y a plus personne qui nous écoute. Non, mais il n'y a plus personne qui nous écoute. C'est vrai. Continuons. Même Greg, il est parti. Bah, Greg, reviens. Et alors là, James Bond, avec son acolyte jamaïcain local, décide d'aller sur l'île du Docteur No. Ouais. Alors, c'est pas conseillé. Alors, ils y vont dans, une petite pirogue. Ils arrivent sur la plage avec genre un bout de bois et un drap. Et ça leur fait une putain de propulsion, genre une voile, quoi. Bah ouais. Non, ça marche pas comme ça. Ce qui me fait marrer, c'est que c'est clairement tourné le jour avec un diaph vraiment fermé, quoi, tu vois. La nuit américaine à son paroxysme. Là, c'est de la nuit jamaïcaine. Hein. C'est encore pire. Il y a plein de coups de soleil derrière le soleil. tu vois bien qu'il fait jour, mais que le mec a fermé le diaph, quoi. C'est marrant. Parce qu'encore une fois, on n'a rien expliqué, mais donc il y a les fusées de Captain. Ah, ça, t'aimes pas ça quand on explique, voilà. Bah non, on explique. Les fusées. Oui. Il y a des fusées qui ont été brouillées. On ne sait pas d'où elles ont été brouillées. Et ils disent, bah, on a fouillé partout. La seule île qu'on n'a pas à fouiller, c'est l'île de Kripke, qui est tenue par un Chinois. Bah, bien sûr que ça vient de là-bas. Ouais, alors, mettez pas la puce à l'oreille, quoi. Enfin, voilà. Non, mais ceci dit, il a quand même un plan ultra machiavélique, c'est-à-dire que pour protéger cette île, il va faire un dragon. Et donc, si un dragon, ouais. Bah, on n'y va pas. Bah, attends, il s'est quand même fait chier, hein, parce qu'il fallait le construire. Hein, c'est un peu du tuning. Hein, c'est un peu. Alors là, c'est du vrai tuning. Pour le coup, j'ai une anecdote. Pour le coup, j'ai vu complètement par hasard d'ailleurs. En fait, faut expliquer, c'est une espèce de grosse voiture qui crache des flammes avec des grosses. C'est un espèce de tank. C'est un monster Mad Max, en fait, c'était un char du carnaval de Dunkerque qui a été réutilisé. Alors là, il arrive sur l'île avec son acolyte. Il faut savoir que l'île, elle est protégée par un milliard de manos. C'est vraiment l'île où quand tu viens, tu ne reviens jamais parce que tu te fais tuer. et les mecs sont en infiltration zéro. Son pote jamaïcain, il fait que teaser. James Bond, il est en petite chemise bleue avec un pantalon belge. Il est là, Trex, à prendre des pires poses sur la plage. Donc, c'est les vacances. Dans flash de pec, il est là, genre, what shall we do? Mec, déjà, mets-toi à couvert. Et alors là, le lendemain matin. Alors, il dort sur le sable. Il dort, hein, dorme pas, même le sable. Il se réveille. Bon, j'étais content, ça, c'est un peu réaliste. Il a l'air de vraiment se réveiller d'une gueule de bois. Il a dormi dans le sable. Il fait genre, what? Oh putain, je suis sur l'île de l'autre chinois là. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu hier? Mais ça dure juste une demi-seconde cet état. Hein. Trop la mauvaise idée, j'aurais dû aller au casino. Ce qui est marrant, c'est que potentiellement, il a 10 fois plus de chances de se faire piquer par des migales pour le coup dans son hôtel. Non mais c'est par contre, c'est sûr qu'il a chopé la malaria là-bas. Et là il se réveille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand souvent tu fais de l'infiltration sur une île déserte où il y a que des manos qui ont à des armes? À chaque fois ça arrive. Non, qu'est-ce qui se passe quand tu te prends une grosse charge et que tu t'endors sur la plage en semi blackout? Tu te réveilles, ben il y a une super nana et tu vas la guédra avec beaucoup de confiance. Il y a Ursula Andress qui est en train de chercher des coquillages gros comme des ballons de foot. Underneath the mango tree, my honey and me. Who is that? It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone? What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Stay where you are. I promise I won't steal your shells. I promise you, you won't either. Stay where you are. I can assure you my intentions are strictly honorable. What's your name? Ryder. Ryder what? Honey Ryder. What's so funny about it? Nothing. It's a very pretty name. Vous notez que j'ai mis l'extrait en VO juste pour une seule réplique, déjà parce que je trouve le dialogue assez cool, et à un moment elle fait « What are you doing here? Looking for shares? » « No, I'm just looking. » Et le mec il mate ses seins à gogo quoi. Et bref, je trouve cette scène elle est hyper bien. Alors déjà elle est magnifique quand elle sort de l'eau, ce petit maillot de bain argenté a totalement disparu mais c'est très beau. Avec la ceinture. Et genre la meuf elle chante et lui il fait « Vas-y tu sais quoi mental ?» Underneath. Le mec il se met à chanter, mais mec toi tu fais ça, la nana elle mais fait, non mais c'est qui ce bouffon? Non mais c'est même pas ça, c'est à dire que lui est censé être en infiltration. Ah oui, et le mec est ultra prévisible, on sait qu'il se tape toutes les nanas de la terre. Je veux dire, si t'es méchant tu dis bah, ok bah là je sais qu'il est là, j'envoie une nana et puis lui il va forcément la guédra et elle va le tuer, et lui il se pose zéro question. Ouais, il y a une nana, vas-y je vais chanter Mango Tree, il pourrait se faire trucider à ce moment là quoi. Je mets sur pause mon infiltration parce que j'avais pas prévu ça, elle est quand même bien pas mal la meuf au coquillage là. Alors je pensais pas qu'il y avait des meufs ici, disons. Et sachant qu'avant il était là genre chut, nous sommes dans infiltration. Under is the man. Le mec il fait trop le cador, tu sais. Et donc elle a un nom assez joli puisque elle s'appelle Ursula. Rider. Ah non, pardon. Et elle a vraiment un regard très très très sexy quoi. Et donc ouais, là, elle est super, elle est super méchante. Elle est très belle. Pas le premier à dire ça. Bah, si tu la vois aujourd'hui, elle est moins super. D'ailleurs, elle a joué dans quoi? Par contre, c'est vraiment la femme qui a les cheveux qui sèchent le plus rapidement du monde. Hein, parce que selon les prises, elle a les cheveux secs, les cheveux mouillés. Elle portait une perruque aussi. Hein. Oui, c'est un climat tropical, Julie. Ça fait sécher les cheveux et ça les mouille tout aussi rapidement. C'était pas la femme de Bebel à un moment, elle? Ben... On vérifiera ça, Julie, toi qui connais le ciné. Je réitère ma question. Dans quoi d'autre elle a joué? Mais on s'en fout. Elle était mariée avec John Derek et c'est lui qui avait apporté sa photo en casting et c'est pour ça qu'elle a été castée. Non, mais moi je te parlais de Bebel. Bon, on verra. Alors, et ma question, non, personne. Alors, ta question, la question à 1000 euros. Dans quoi d'autre elle a joué? Personne ne sait, Michael. Merci. Auditeur suivant, ça va? Il y a des méchants manos qui débarquent. Alors, les méchants manos. Avec une stratégie c'est un peu bizarre hein. T'as remarqué aussi toi non? Très smart, c'est, ils arrivent de loin avec un bateau, ils viennent surtout pas sur la plage, ouais. Ils se mettent à tirer comme des cons et après ça ils font vous avez bien peur hein, et ben on va revenir très bientôt, là on doit partir parce qu'on a peu de munitions. mission, mais on va bientôt revenir. Encore, bah, encore, encore mieux, ils disent on va revenir avec les chiens. Mais les chiens, ils sont quoi? Ils sont en promenade là? Pourquoi vous avez pas pris tout de suite? J'avoue, moi je suis docteur No, je pète un câble. Mais pourquoi vous êtes pas parti avec les chiens depuis le début? Bah, on pensait pas avoir besoin des chiens au début. Surtout, docteur No, il a dépensé sans compter hein, quand même. Hein. Alors lui, ouais, il a vraiment dépensé sans compter. À un moment, je m'attendais à voir des dinosaures sur son truc. En attendant, ils reviennent assez rapidement avec les chiens. Et alors, il décide du coup de couper à travers champs, ou plutôt couper à travers jungle. Et alors, Honey Rider a troqué son maillot de main argenté contre un décolleté chemise déchiré. Il est prêt déchiré. Chemise mouillée, en plus. Oui, est automatiquement mouillé. C'est la mode. Mais... là où ses cheveux sont totalement secs, sa chemise, là, pour le coup, c'est un tissu très humide. Je sais pas si vous avez noté dans la scène où James Bond lui dit bon, ben. Ton bateau, là, il a été défoncé, mais il faut qu'on se dépêche, donc prends juste l'essentiel. Et le seul truc qu'elle prend, en fait, c'est sa mini chemise décolletée, déchirée. C'est génial. C'est par contre, il y a vraiment un truc qui m'a choqué, c'est que dans cette scène aussi. En même temps, elle aurait pris une valise à roulettes, ça aurait été chiant, quoi. Ah, j'arrive pas dans le sable, là, la traînée. Oh non, c'est une peinture que mon père a faite. Écoute, elle fait 2 mètres sur 3, mais j'y tiens, c'est sentimental. Mais surtout, vous avez pas remarqué que James Bond, il parle mais vraiment comme une merde à son pote jamaïcain. Genre, il lui fait. Prenez mes chaussures, enfin genre c'est vraiment. Genre... Ça parle avec mes chaussettes. C'est vraiment vendredi ou la vie sauvage quoi. Enfin, j'avoue. Tu sais normalement t'as deux manos, ils se mettent un peu en concurrence sur la meuf quoi. Et là j'avoue de fait elle est automatiquement pour James Bond. Le gars y a aucune bataille, y a rien genre ouais. Il y a des réminiscences de colonisation genre. Vas-y tu veux pas nettoyer mes pompes s'il te plaît pendant que je drague la meuf. Oui monsieur. Bon et alors Oni, tu me racontais comment ça s'est passé avec ton père. Bon mes pompes elles sont quoi cirées ben là. Et du coup, vous avez vu qu'ils sont quand même, il y a une belle association de couleurs. Ils sont en bleu, blanc, rouge quand ils sont dans l'eau et tout. C'est vraiment très joli. Je l'ai noté. Quoi. Bah oui, surtout en ce moment, c'est important, bleu, blanc, rouge. Bah oui, allez les bleus. Allez les bleus, blanc, rouge. Alors il y a le truc, c'est la paille sous l'eau. Quand même, quand t'es recherché par des manos, très rapidement, tu fabriques une paille de bambou avec un roseau. Un roseau. Alors moi, j'ai fait ça petit. En fait, très souvent, au milieu des bambous, il y a des, il y a des trucs qu'on pêche l'air de passer, quoi. Donc tu peux rapidement te blesser, voire mourir. Mais là, ça marche bien. Donc ça y est, là, en plus, elle a les cheveux secs, soyeux et bien coiffés. Moi, tu me mets dans la jungle de jour, genre, ils sont tout secs, tout emmêlés et tout, voilà. Donc moi, je trouve... Non, mais en vrai, ils sont là au bout de 10 minutes, ça ressemble à Koh-Lanta, quoi. Ils transpirent à mort, ils sont dégueux, tu sais. Là, ils sont magnifiques. Lui, sa chemise, il a pas une tache dessus. Le mec est en pleine jungle, quoi. Et donc, là, il y a le Jamaïcain qui lui lave ses fringues tous les soirs. En fait, il y a deux chemises qui roulent toutes les heures, genre hop, chemise. Et puis il les met dans les housses à costume, tu sais, les cintres. Et les suites. Tu sais, ils vont se balader, ils reviennent, ils font bon, alors qu'est-ce que tu nous as concocté là pour ce soir? Et alors là, en fait, il y a un truc qui est trop marrant, c'est qu'il y a 2 secondes, ils étaient poursuivis par des manos avec des yinches et tout, et il y a un cut. Et là, le Jamaïcain, il est en train de teaser assis. Et là, ils sont dans un lac avec une petite cascade et ils se lavent. Genre, c'est vachement important de se laver maintenant, quoi. Oui. Et tu sais, bah alors, tu vois, genre, ils sont magnifiques, mais c'est trop pas le moment de se laver. Il y a la voiture dragon qui va arriver. Alors, la voiture dragon. La voiture dragon arrive. Moi, je l'ai trouvé ridicule. Hein. Ouais, bah, c'est-à-dire que moi, il y a un truc que je comprends. Bah, c'est-à-dire que c'est une voiture dragon qui est censée faire peur. Et avant de faire croire que c'est un dragon, elle commence par parler genre « Rendez-vous nous vous avons vu !» Je dis « Mais c'est un dragon ou pas ?» C'est-à-dire que... Bah attends, dans le Hobbit, le dragon il parle. Bah ouais. Avec des... Dans le Hobbit, le dragon il fait des sommations, tu sais. Dernière sommation. Et surtout, il s'est pas rendu compte que le dragon, il fait un bruit de turbo-diesel, quoi. Et bon, donc James, là... Bah alors déjà, le Jamaïcain, il va mourir. Parce que bon, il faut pas non plus qu'il nous en compte jusqu'à la fin du film. Et ça prend plein de place. Globalement, ça n'a pas l'air de trop blesser James. Non, il n'est pas trop. Il s'est habitué à sa présence. Mais bon, vu qu'après, il va laver ses chevilles, vu qu'après chez le docteur No, t'es nourri, logé, blanchi, il s'en fout. Mais c'est le début des longues traditions où le sidekick noir va être le premier à mourir. De toute façon, dans les films, après, on en aura eu un paquet. Hein. Bah, c'est pas nous qui décidons, écoute. Ouais. Hein, et alors, ensuite, on arrive chez docteur No. Ah, est-ce que c'est là où il y a les gens qui sont avec des sacs poubelles et des faits en gants MAPA rose? Tout à fait. Ok. Alors là, évidemment, il faut passer par la douche de décontamination. Et là, c'est un moment extraordinaire, la douche de décontamination, on est d'accord? C'est-à-dire qu'il le frotte avec une espèce de balai brosse. Puis c'est surtout pas ça, c'est qu'il lui dit bah là, va falloir vous mettre tout nu parce qu'on va vous décontaminer. Bah, je sais pas, c'est un peu gênant, il y a plein de gens bizarres autour, on les connaît pas. James Bond, il s'en fout. Il passe sous la douche, la meuf, elle passe sous la douche, on a l'impression que c'est L'Oréal parce que je le vois bien, quoi. James Bond, il s'en fout, le mec est méga gaulé, le mec s'en bat les couilles. Et en plus, s'il a l'opportunité de voir la petite Ursula à poil, et en plus, il fait genre ouais, je m'en fous, de toute façon, je l'avais déjà vu. Non, mais quand même. Il l'a pas encore vu. Et alors là, moi, j'ai une vraie question, c'est pourquoi ils font tout ça, quoi. Alors, c'est toujours pareil, tu vois, ça, c'est vraiment un truc que je reproche à peu près à tous les James Bond, et je le reproche surtout au dernier, la Spectre, qui est vraiment une merde pour cette raison-là, c'est que pendant tout le film, le méchant, il va essayer de tuer James Bond. Et au moment où James Bond, il arrive dans sa base, il fait « Non, finalement, j'ai pas le tué, je vais le recevoir comme un prince. » Le mec est trop con. Le mec, il arrive, il a plus d'armes et machin. Alors, c'est quoi cet honneur à 3 francs? Et là, Dr. No, il a essayé de le buter, mais pendant tout le film. Et là, au moment où il arrive dans la base, il fait « Donnez-lui la meilleure chambre. Et je veux vraiment qu'il dorme bien. » Et le mec, il va arriver dans la chambre et on va lui filer un café empoisonné pour qu'il s'endorme. Bah, ça sert à quoi de lui donner de la meilleure chambre? Il va juste salir les draps. Non, mais et puis ce qui est un peu nul, c'est qu'ils essayent de l'expliquer derrière, genre ah bah oui, je voulais vous tuer, mais après j'ai compris que vous étiez un homme de qualité. Non mais c'est complètement n'importe quoi. Surtout que le coup du café, à quoi ça sert? C'est-à-dire que oui, non, mais moi rien, j'ai vraiment envie qu'il dorme bien. Et puis je, comme je sais qu'il est un peu stressé, je préfère lui donner un petit somnifère dans son café. Au moins il va bien apprécier. Non, mais lui, après il se réveillera, il sera en forme pour le dîner, quoi. Pour le voir, enfin le voir endormi. Enfin moi je pense à un délire. Tu le tues. Qu'est-ce qu'il est beau, je... Oh là là. Regardez le dormir. Vous avez vu, il ronfle à peine. Oh c'est beau. Il est mignon. Non mais il y a un truc quand même. Le gars, il arrive une fois qu'il est décontaminé, on lui file une putain de robe de chambre. Il est à poil sous sa robe de chambre à côté d'Ursula Andress. Et le mec, Monsieur Landres, qui n'est pas vraiment un poil, qui a un maillot couleur peau, hein, il faut le dire quand même, hein. C'est triché. Hein. Et là, ils arrivent quand même à l'hôtel Ibis avec les petites Ibis chinoises qui sont là, genre, ah, monsieur, bon, non, vous avez tout préparé à la chambre. Et lui, il fait genre, ouais, c'est tout à fait normal. il a un bon sens du service quand même, Docteur No. Et il arrive, Trunks, et là, il boit le café, il s'endort comme une daube. Mais autant lui mettre une petite piqûre à la douche ou autant le bloquer dans la trompe. Ouais, c'est fait avec classe. Et là, il se réveille, petit dîner, col Mao, puisqu'on lui impose des vêtements. Ça, c'est ridicule, et elle est habillée aussi en chinoise. Ouais, alors que Dr. No, il a même pas une tronche d'Asiate en plus, quoi, tu vois, c'est ça. Il a une pire gueule de curry, le gars, quoi. Vous savez de qui Dr. No est inspiré comme personnage? Et d'ailleurs, c'est inspiré d'un personnage qui s'appelle Fu Manchu, qui avait été joué par Chang dans Dinda au Tibet. Qui avait été joué par Christopher Lee. Et en fait, Christopher Lee, c'est le cousin de Ian Fleming. Wow. Et il lui avait mais le monde est tout petit. Hein. Et il lui avait proposé. Surtout chez les riches. Il lui avait proposé le rôle au début et il l'avait pas eu. Connard de droite. Et une autre personne à qui on avait proposé ce rôle, c'était Max von Sydow. Ah oui. Oh, ouais, on le connaît. Bah, on le connaît. Mais comment s'en faire un paquet à 2 heures de perdu. Il a fait des gros mauvais choix de carrière, lui. Et voilà, il était pas dans celui-là. Pourtant, Alors, après, c'est le dîner avec Dr. No. Alors, Dr. No, il a un gros aquarium. Ça, c'est bien important. Les méchants, faut toujours qu'ils aient un truc bien chelou. Soit c'est un chat qui a pas de poils, soit c'est un énorme aquarium. Ah, lui, il a quand même un. Aussi, quoi. Oui, il a un bunker, oui, bon, ça, bon, moi j'en ai un aussi. Hein. Mais il a une petite face, je me la pète quand même. Hein. Il va dire c'est moi qui ai tout designé, c'est moi qui ai tout écrit. C'est genre, en fait, il fait un putain de complexe. C'est genre, il l'a vu dormir, il fait putain, il est vachement beau gosse, il a quand même se taper vachement neuf. Je vais essayer de marquer les puntos quand je suis avec lui. Cette chaise, c'est moi qui l'ai dessiné. C'est moi qui l'ai taillé avec un burin et un marteau. Ceci dit, l'aquarium, je comprends parce que ça aurait été nettement moins impressionnant s'il avait une cage à hamster. Sauf si elle est géante. Et là, du coup. Hamster géant dans une roue géante. Et alors là, ils sont à table. Ça, j'ai trouvé ça hyper élégant. Ça se fait plus de nos jours. Je le regrette. Le Dom Pérignon à table, hein, pendant le repas, c'est pas mal, ouais. Non, mais c'est surtout qu'en fait, ils sont tous les trois. Il y a Ursula Andress, il y a James Bond et Dr. No qui sont là. Et à un moment, Dr. No, il a besoin de parler de bail important. Et il fait bon, bah, Ursula, je vais dégager. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vraiment. Ils doivent parler de bail important. Du la coup, petite, la nana, elle va y aller quand même. Hein. Oh, elle est mignonne, mais bon. C'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Allez, pas de coca, parce que toi, après, tu vas faire dodo. Hein. Et alors, donc, il lui parle un peu de Spectre, de l'organisation. Il lui propose un CDI. Il lui dit bon, bah, voilà, j'ai pensé à toi. T'étais tellement chiant que du coup tu pourrais être intéressant finalement. À l'époque, il savait pas que ce serait aussi difficile de décrocher un CDI plus tard. Ouais. Et il dit non, à le con. En plus, il lui dit voilà, ça tombe bien, mardi on a un team building avec tous les membres de l'équipe. On va tous conduire le camion dragon. tu pourras appuyer sur le lance-flamme si tu veux. Puis t'as une super mutuelle là aussi, attention. Hein. Et tu pourras même choisir la combinaison rose si tu veux. Hein. 7 semaines de congés payés, bon, et le con il dit non quoi. Et alors là, bon, James Bond il décline. Mais alors il décline avec panache, hein. C'est-à-dire qu'il va même pas essayer de temporiser en disant ouais bah pas de soucis, puis après pour s'invader il fait non c'est mort, ton Spectre là ça pue la merde, t'es un loser à mort, c'est genre provocation totale. Et du coup il va l'enfermer dans une cellule que j'ai trouvé vraiment mal sécurisé. Alors là pour le coup est-ce que quelqu'un raconte? Franchement là il faut quand même le raconter. Alors, moi je vais pas le faire parce que Mickaël. Alors en fait, il voit qu'il y a une petite grille un petit peu plus haut quand même. Il doit y avoir une siège juste en dessous d'ailleurs. Non, il passe du 5 étoiles à la geôle quoi. Mais à la geôle quand même, la grille d'évacuation, fait 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, elle est énorme. Et dedans, c'est limite s'il n'y a pas une échelle quoi. Tu vois, c'est... La grille est électrifiée quand même. C'est ça. Hein. Tout à fait. Et en fait, il a quand même la combine. Il a des combines. Hein. Il prend sa chaussure et il casse forcément la grille avec la chaussure. Et ensuite, il peut limite marcher debout dans les tuyaux tellement ils sont énormes. Enfin, moi j'ai fait que c'était les tunnels de l'aventure intérieure en mode die hard. Mais alors là, c'est pareil, il y a un truc de chasse d'eau et tout, avec de l'eau, comme si c'était prévu qu'il s'échappe. Chasse d'eau, j'espère pas pour lui. Hein, parce que... Mais ouais, parce que quoi, tu. Parce qu'en fait, il a aspergé quand même. Hein. Mais c'est pas grave. C'est de l'eau chaude. Ah, mais du coup, c'est un peu embêtant si l'autre, il peut plus lui laver ses t-shirts, quoi. Oui, parce qu'il est plus à ce moment-là, le Jamaïcain. Ah putain, ça sent la merde. Non, mais il y a un plan où tu vois le tuyau, où t'as vraiment l'impression qu'il y a des trompes d'eau qui vont arriver, et puis au moment où il y a de l'eau qui arrive, bah, tu sais, ça l'éclabousse à peine, quoi. On dirait un bain. Il y a un canard, tu sais. Et alors ça tombe bien parce qu'en plus il va ressortir vraiment pile au bon endroit quoi. Dans la salle de contrôle. Ouais, il sort à la sortie. Ouais. Et alors là c'est un peu la scène finale, hein. Ça monte dans les tours, ça va un peu péter dans tous les sens. Il fait tout péter. Docteur No va finir par mourir dans ses substances radioactives. Alors il y a un truc qu'on a oublié de préciser qu'avec Michael, voilà, on note parce que on est un peu aussi. On connaît ces soucis-là. Docteur No n'a pas de main. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Voilà. Docteur No a deux belles mains en céramique qui lui permettent de tenir absolument rien. C'est vraiment deux beaux objets noirs qui ont l'air de faire un kilo, mais le mec ne peut rien saisir. Et là, ensuite, je vous invite à rembobiner et le regarder bouffer à table, parce que je ne sais pas comment il fait. Et là, à la fin, justement, il va se battre contre James Bond et il va tomber dans l'eau et il ne peut pas se raccrocher, quoi. Alors, le mec arrive à tenir un couteau, une fourchette et manger une bonne pièce de viande, mais il ne peut pas s'accrocher. Alors là, dans le métro, il est emmerdé. Hein, il a pas de quelqu'un peut m'ouvrir la porte, je sors à cette station. Moi, une remarque générale hein, sur ce James Bond, c'est qu'on se demande comment il a fait pour ne pas être irradié, parce que là, clairement, il a pris tous les risques. Pour tous les autres James Bond, en fait, c'est comme ça. Il a chopé des super pouvoirs avec la radioactivité et la migale ou j'en sais rien, c'est pas si comment il fait. Après il y a un point que tu peux faire aussi dans plusieurs James Bond, c'est que Dr No il a quand même 3000 manos de sous-traitance qui sont là. Mais les gars ils savent pas pour qui ils bossent, genre c'est l'endroit méga ultra top secret, genre n'importe qui va, un espion britannique qui se fait tuer. Mais t'as un milliard de sous-traitants qui bossent là en disant genre c'est quoi qu'on fait avec les fusées. Ouais, je sais pas. Ça, c'est comme dans tous les trucs, dans tous les films avec des agents secrets. C'est-à-dire qu'il y a forcément un mec qui vient, comme dans Fast and Furious, ou dans. Oui, il y a forcément un mec qui vient construire le bunker à un moment, quoi. Et du coup, les meurtrières, là, avec les trucs radioactifs, on les fait pourquoi là-dedans? C'est bon, t'inquiète. Ouais, ça, c'est un peu comme le Batman, quoi. Genre, putain, c'est chelou les symboles Batman qu'on a mis partout pour la cave du patron. Hein. Non, c'est peut-être lui, non? Je pense qu'on a déjà assez insisté là-dessus, mais quand même, sur la fin, donc il y a la plateforme qui les pète. Tu veux nous parler Lille, non, l'île. Pète, etc. Et donc, il se retrouve sur un petit bateau avec Ursula Andress. Et là, j'ai envie de demander à Julie qu'est-ce qui va se passer sur le petit bateau avec Ursula Andress. Oh, je crois qu'il va faire la chose. Ah, forte chance. Oui. Il va la baiser. Non, elle est dingo. Voilà. Elle est dingo. Dingo. Non, ils vont faire la chose alors. Alors, mais non, parce que je me suis dit, pas, ils se font secourir. C'est peut-être des. Previews faire la chose. Attends, mais ils sont secourus. On serait plutôt en panique au milieu de l'océan. Attendez, on leur file une corde et ils laissent partir la corde. Et moi, j'ai vu All Is Lost. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Robert Redford où il est tout seul dans l'océan. Mais c'est ça la suite. All Is Lost, baby. C'est très compliqué de survivre. Même si tu fais l'amour très souvent, tu ne peux pas survivre sur une barque comme ça dans l'eau, au milieu de nulle part. C'est vrai. Mais est-ce que mourir tout seul dans un canot avec Ursula Andress, ça vaut pas le coup? Avec Sean Connery, la réponse est oui. Alors je pense que non, parce qu'en fait au bout de 5 heures tu fais putain je crève de soif, j'arrive plus à faire la chose. Mais tu la manges. Et là je ne te supporte plus. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Non. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez les avis c'est comme les tours du cul, tout le monde en a un. J'ai 4 commentaires 5 étoiles sur Dr No. On commence avec Till qui nous dit: j'adore les James Bond, mais je n'aime pas les araignées, en particulier les migales, puisqu'il y en a dans ce film. 5 étoiles. Ah, ça, c'est vraiment. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu à cause de cette raison-là. Quoi. Ah, non, pas de migales. Adrien C qui nous dit: rien à redire, mais je le trouve comme un chef-d'œuvre. 5 étoiles. Ensuite, on a Maria Elenal qui nous dit: magnifique soirée cinéma avec ce film. Sean Connery at his best moments. Great movie. Et great quality of DVD. Thank you. Et ensuite, on a, je dois le dire, peut-être un des meilleurs commentaires de fans de coach sur ce film. J'ai commencé à regarder les commentaires 5 étoiles sur le film. Le premier sur lequel je suis tombé, c'était fan de coach. Il nous dit: James Bond 007 contre Dr No. Chaque fois, tu le fais sous forme de question. Première mission pour notre plus célèbre, mais aussi pour le moins secret agent secret de Sa Majesté. J'ai nommé Bond, James Bond alias 007. rien que tel que les vacances pour me refaire cette mythique série des James Bond. Ça fait longtemps. Bien sûr, cher. Ça fait longtemps que je les ai pas vus et je vais les critiquer selon si ont bien vieilli. Si la qualité est là, les moins positifs, négatifs. Et pour cette première mission, il faut dire que pour cette grande série, elle commence merveilleusement bien. Car moi, j'ai tout simplement adoré et été séduit par cet épisode. Cet épisode qui n'a pas vieilli d'une ride depuis 1963. Ah non! Vraiment, je le trouve très classe, très intéressant à suivre grâce au scénario qui est monté comme une enquête policier. On va de déduction en déduction et je trouve ça très intéressant à suivre. Et on va aussi de lieu en lieu où James Bond va rencontrer des amis. Des femmes comme la magnifique Ursula Andress qui nous offre une des scènes les plus mythiques des cinémas. Lorsqu'elle sort de l'eau en maillot de bain, juste mémorable. Et il va aussi rencontrer des ennemis. Son premier ennemi, le célèbre Dr. No. Et puis le plan de Dr. No, le scénario donc, est très intéressant. On est captivé pendant tout le film. Graca aussi a une réalisation et une mise en scène forte, élégante et classe. Comme il avait le génie à l'époque. Les plans de caméra sont somptueux, simples, posés, efficaces et élégants. À l'effigie de James Bond, qui est lui aussi très élégant et magistralement bien interprété par Sean Connery, qui est juste énorme et porte à merveille le costume de James Bond. Un des meilleurs acteurs qui joue James Bond, tellement il est classe dans le rôle de James Bond. James Bond que j'ai adoré dans cet épisode, très intelligent et malin, avec la scène sur le cheveu sur la porte. Ce n'est pas un agent secret pour rien, et avec son humour ce british qui lui va à ravi. Et puis le générique est sympa, pas le meilleur, mais la musique, c'est le thème de James Bond. Donc mémorable et inoubliable. Voilà, un classique de la série James Bond. Il y a tout dans celui-là. Combat, finesse, séduction, rebondissement et humour. Moi, je vous le conseille vraiment, car il est vraiment bien. Pour moi, c'est un excellent James Bond et c'est un énorme coup de cœur. Un chef-d'œuvre de la série de 007, j'ai nommé James Bond, 5 étoiles. Ah, je ne m'en lasse pas. Je suis très heureux d'avoir une fan de coach. Pour plaisir. Ce qui ressemble à au dernier épisode. Exactement, on se quitte là-dessus. 2 heures de perdu de la saison. De la saison, on se retrouve à la rentrée, évidemment. C'est triste. Oui. The end of season 2. Bah en tout cas, merci à tous. Moi, je voulais. Je peux faire des remerciements? Vas-y. Bah, je vous remercie tous de nous suivre. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur de vivre cette aventure avec vous. N'oubliez pas que l'important, c'est pas l'apparence, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Et voilà, bah, restez vous-même. Et puis, faites tout. Voilà, faites ce dont vous avez envie, quoi. Voilà, c'est mon message. Quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors bah voilà, il y a des gens qui étaient revenus entre temps, Sarah, bah ils sont repartis. Quant à nous, on va se retrouver donc l'année prochaine. Oui. Ouais. D'ici là, je vous invite à écouter. Déjà, réécouter 2 heures de perdu pendant les vacances. On va réécouter tout parce qu'on va poser des questions après. Ouais. Ouais, il y a des questions à la rentrée. Est-ce qu'on parle du jeu concours Photo 2000? Oui, photo 2000. Alors photo 2000, c'est très simple. Vous savez qu'on adore les termes qui se terminent par 2000. Il y a plein de commerces qui s'appellent 2000. Il y a le garage de l'an 2000, antique cafard 2000. Et donc on a envie que vous preniez des photos. Vous prenez des photos de quelque chose qui s'appelle 2000. Et celui qui prendra la meilleure photo qui nous fera le plus rire, et ben on choisira son film. Donc n'hésitez pas, dès que vous croisez un truc, il y a quelqu'un qui l'a fait déjà à Boulangerie 2000. Ouais, c'était très bien, bon. Il est déjà très bien classé. Il est bien classé parce qu'il n'y a pas d'autres images. Mais voilà, un truc avec 2000 dedans, celui qui cartonne le plus, voilà. On choisira son film en direct. Voilà. Alors par contre j'ai d'autres trucs à dire donc je vais enchaîner avec une autre chanson, voilà. Personne n'a entendu la transition sonore puisque je parlais. Malgré ce concours, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles, Mickaël, pour quelle raison? Pour proposer un film dans le chapeau qui sera peut-être tiré au sort si vous avez de la chance, puisque nous sommes à 38 574 films actuellement. Ça fait combien en pourcentage de tirage? De chance d'être tiré? Ouais. Très bah, ça fait 0,4, je sais pas, c'est assez faible. 7%. Non, ensuite, je vous invite à écouter les autres émissions de Fréquence Moderne, car Fréquence Moderne produit 2 heures de perdu, dans le sens où bah, c'est nous. Donc, voilà. Autres émissions qui sont. Sauf qui peut. Et Culture 2000. Ah, je suis très content, vous avez suivi. Et puis c'est à peu près tout, donc voilà. Je vous c'est à peu près tout, mais je pense qu'à la rentrée, il y aura une dizaine de podcasts en plus. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Parce qu'on a lâché nos boulots, voilà, on y croit vraiment. On va faire que ça. Allez, ça y est, pour nous, c'est l'aventure. On est devenu autonome avec tout le pognon qu'on nous envoie à Londres. Donc voilà, c'est bon quoi. Donc voilà, c'est bon. Non, n'hésitez pas à nous écouter. Et n'hésitez pas à ne pas hésiter aussi. Et n'hésitez surtout pas à ne pas hésiter. Voilà. Allez. À bientôt. Bonnes vacances. À la rentrée. À la rentrée. Ciao. Ciao. Au revoir. Ciao.